Je me rappelle de tout ce que j'ai perdu, tous ceux qui m'ont snobé. Debout dès le début, j'arriverai jusqu'au sommet. J'ai pas fait de longues études, c'est dur, je me suis accroché. J'ai toujours été têtu, je dois finir mes projets. La vie est faite d'imprévus, à ta porte je viendrai sonner. Pour une poignée d'écus, j'irai tuer ou voler. T'auras besoin d'une sécu, t'auras besoin de lover. Je fume de la laitue, je suis vraiment mauvais. Je joue pas de comédie, j'essaie de m'accommoder. Le four n'ouvre qu'à midi, j'ai jamais quémandé. Ils veulent piquer mon dû, j'ai reçu ça comme un don. Mon commando crache des flammes comme un dragon de Komodo. Un spiff, une pipe et puis oh dodo. Ici c'est pire que le Kosovo. Autour de moi y'a que des smogogo, des Decepticons et des autobots. Si je roule un bilingui à la piscine avec une petite fimbi. Un bain de minuit, je la vois sans bikini. Je vais pas crever du das comme Izzy. Je connais le tarif de la Patek. Je fume que du tamissage à sec. Je veux poser ma tête sur un tapis à la mec. Salope de pute, on t'abîmera ta schneck. Tous ces marmots me scrutent, mais n'arrive pas à me check. Je dois rester lucide dans ces salopes de flics. J'attends les CD de l'usine, j'inonde les plateformes de stream. Je suis arrivé à temps, j'ai agrippé la branche. Toi ta clique est absente, on va viser le bas-ventre. Son qualité allemande, je rappe différemment. Taille ta pipe et va-t'en, je te fais saliver ma grande. Si je suis de bonne humeur, je vais valider ta demande. Mais comme je suis vraiment mauvais, je vais niquer ta tante. M'en voulez pas, je veux plus rapper avec ces charlatans. Dans tous les cas, je suis au taquet avec mes attaquants. Je ne vous donne que du nectar, je bois à la bouteille. Le soir on travaille super tard, j'attends jusqu'on nous paye, pute. Je connais le tarif de la Patek, je fume que du tamissage à sec. Je veux poser ma tête sur un tapis à la mec. Personne peut me la mettre dans mon trou. Je plonge dans la vodka comme Dimitri. Je suis plus fort et je vais vous le démontrer. Je tourne un clip près de la déchetterie. Regarde ta vieillesse et tout desséché. Avant que ça chauffe, vas-y déguerpie. C'est tout seul que j'ai dû me démerder. Il me reste encore un peu d'énergie. Le temps passe trop vite, soit me dépêcher. Fini l'époque de madame est servie. C'est une arme à feu que je vais dégainer. Le cuir de ma chaussure est verni. Et la hache de guerre est déterrée. Cette merde, c'est moi qui l'ai engendrée. Je suis admiré par ton rappeur préféré. En fait, c'est moi qui l'ai. L'ascenseur est en panne, je vis comme dans un vrai manga. Besoin d'un remontant, je nage comme une raimanta. Je suis un taré mental, je vais dans taré mon sable. Ouais c'est carrément sale, ne cherche pas le responsable. Je me rappelle de tout ce que j'ai perdu, tous ceux qui m'ont snobé. Debout dès le début, j'arriverai jusqu'au sommet. J'ai pas fait de longues études, c'est dur, je me suis accroché. J'ai toujours été têtu, je dois finir mes projets. La vie est faite d'imprévus, à ta porte je viendrai sonner. Pour une poignée d'exus, j'irai tuer ou voler. T'auras besoin d'une sécu, t'auras besoin de lover. Je fume de la laitue, je suis vraiment mauvais. Je connais le tarif de la Patek, je fume que du tamissage à sec. Je veux poser ma tête sur un tapis à la mec.